Ego c'est la guerre. Oh, faut mouiller les maillots. Ego c'est la guerre. Oh, faut suer pour le géant. Genre t'as encaissé, mais ça c'était le passé. Fais pas l'ancien, on sait que t'es dépassé. Maintenant sur le rein, c'est moi qui a le brassard. T'es dans le placard, tu portes même les dossards. Ego c'est la guerre. Oh, et j'ai pas le temps. Ego c'est la guerre. Oh, j'suis en plein dedans. Ma coloche coloche dans la lumière. Le corps tu n'as plus l'envie. Ma coloche coloche dans la lumière. Le corps tu n'as plus l'envie. Ils sont grave à chier, grave en chien, bâtard, t'es pas méchant. Ils sont pas dangereux, pas d'honneur, bâtard, t'es pas méchant. On va grave manger, s'allonger tout en levant majeur. Ils sont grave à chier, grave en chien, bâtard, t'es pas méchant. On va mouiller le maillot émaillé. Mouiller le maillot émaillé. Mouiller le maillot émaillé. À mouiller le maillot émaillé. Désormais, on va mouiller le maillot. Désormais, mouiller le maillot. Tout dans le vent majeur. Ils sont grave à chaise, grave en chien, bâtard, t'es pas méchant. On va mouiller le maillot.